Je serai un petit Dylan, naviguant en caravane. Comme le père Matelot, j'aurais été l'un de ses sots. Je serai un saltimbanque, voyageant de fret en banque. Robin des Bois des temps modernes, de nos riches et vendre un rêve. J'aurais pris un petit bret avec Brassens bien ferré, acheté un Coluche dans sa moto, ou bien au resto. Et nous les petits terriens, on comprend rien, on ne fait rien. Et nous les petits terriens, qui ne bâtissons plus l'univers. Chanson protestateur, chanson populaire, menant terre à ciel. Je serai un fastidieux, un petit renard, petit connard. La guitare entre les bras, se couche tard et non bagnard. Se prenant pour un chanteur, acrobate ou philanthrope. Se prenant pour un Springsteen, se prenant pour un Renault. Comme le père Matelot naviguant dans sa caravane. Comme le père Dylan et ses frères, Harmonica. Et nous les petits terriens, on comprend rien, on ne fait rien. Et nous les petits terriens, qui ne bâtissons plus l'univers. Chanson protestateur, chanson populaire, menant terre à ciel. On s'en va en l'air avec la coque ou bien des tasses. On boit la santé de l'ignorance qui nous a vaincus samedi soir, du lundi au vendredi, du dimanche à l'église, des meetings politiques. On n'y croit plus, on n'y croit plus. On n'y croit plus, on n'y croit plus. On n'y croit plus, on n'y croit plus. On n'y croit plus. On n'y croit plus.